注文だ。注文。OK。Vendeur de classique. Vendeur de classique, salope, je ne suis pas vendeur de quartier. Si j'ai un problème avec toi, je ne vais pas te clasher. Acheteur de hachis, vendeur de cacheton. Économie parallèle, je vais pas bouffer des pois chiches. Rabattu le cache-nez, ma gueule tu n'as pas chiche. J'en rebeu c'est pas halal et je l'ai touché à pas cher. Ils veulent me nettoyer au carcher. Comme si ma peau ne valait pas cher. Sacrément je parjure, simplement je choque. Je veux Sarko sous mon pare-choc. La sida dans mon bloc, ouais. En bas de l'ascenseur, je suis bloqué. Je prends l'escalier, je suis dopé. Coquine, on a ce qu'il faut pour te faire croquer. La menace des civils, imaginez le bruit des tokis. Ok, mon quartier ne va plus flopper. On est OP, évidemment qu'on fout le bordel. Nous c'est Herbel, on n'a pas de partenaire. On est reconnu par les quartiers, je suis des quartiers nord. Y'a pas de cartel, toi vas-y sors de là. On cherche à ramener les lords, on cherche pas le bonheur. On fait des lovés dans le shit et dans la zig connard. On reste concentré du rappeur jusqu'au charbonneur. Il faut qu'on sorte de l'ombre, y'a toute la ville qui nous boycotte, il faut qu'on sorte de là. Y'a toute la ville qui nous boycotte, il faut qu'on sorte de là. Ces bâtards croient qu'ils vont nous pendre avec une cordelette. J'ai mis mon corps, mon âme, comme le sang HLM, mon frère, j'ai mis mon corps, mon aide. Tous vos rappeurs, c'est tous des catins. Ils ont déjà sucé mes 4 tours. Et comme des vautours, ils ont jamais pris nos patins. Ils faisaient que porter les couilles de nos patrons. J'en parle pas trop, parce que sinon ça monte au crâne sec. Je dois la calmer avec du jack sec. T'as pas idée des humiliations que l'on accepte. Axé sur tout ce qui pourra me relaxer. En absence de bonhomme, je me noyais fort dans l'absinthe. Je t'avais prévenu que j'allais pas m'arrêter là, hein. J'ai failli me noyer dans la défaite et dans l'alcool. En quelques mois, ma gueule, j'ai remonté ma cote. Et ouais, j'ai remonté la pente. Et là, je prépare le troisième album. 4 tours, 13-0-11, Vatos Locos, Herbel Gang, ma gueule, c'est jamais fini. PA nous disparu, maintenant c'est nous. Tiens.